physique, son moral s'étranche et les veines rabaissées par toutes sortes de critiques. Deux alternatives, l'acceptation ou la chirurgie plastique. Trop de critères, trop de formats, son sens de l'éthique se perd dans l'étalage médiatique. Le brouhaha hystérique que génère le monopole de l'image parfaite. Tout l'amour de la part bien faite, sa fine voix pubère veut devenir star et la voir avec sa mère transformée en ménagère prête à tout sacrifier. Mal dans sa peau, pauvre petit, c'est pas beau pour votre ego. Mal dans sa peau, la torture est dans son bite depuis que la bite de Jaouid a perforé son cul de caïd. Son regard s'est enfoncé dans son col roulé, sa dignité est morte en même temps que son bourreau a éjaculé. Toute sa fierté, son sang s'est vu dégouliner de sa raie déchirée. Ses 15 points de suture et ses 15 jours d'infirmerie ne pourront jamais soigner cette orgie. Une plaie béante dans sa mémoire, le terrorisme le paralyse. La psychanalyse ne passera pas à travers les barreaux. Non, mal dans sa peau, pauvre petit, c'est pas beau pour votre ego. Mal dans sa peau, étriqué dans son string, en chef d'entreprise placé au-dessus de tout soupçon. Sauf ce dimanche à la maison où sa petite sœur par vengeance et trahison. La boucave sur ses occupations nocturnes, du genre déguisé en grande brune, talons et manteau de fourrure, a joué l'urne à citoyen où tout le monde a déjà voté plusieurs fois en échange d'une dose diluée dans un verre de coca. Son père est foiré, l'a déshérité sur le champ pendant que dans sa bouche remonte le goût du clan. Dans sa peau, pauvre petit, c'est pas beau. Blah, blah, blah, blah, blah.